vous avez un problème, nous avons un podcast. Bonjour et bienvenue à la balado-diffusion. Pas de problème. 96! Oui! Yeah! Ouais! Les noces de peau! Non, non. Oh, yeah! Pas de problème. Les noces de gros cordon. J'étais dans la peau. Oui, et Frédéric Barbouchy en compagnie d'Antoine Lézina. Salut, Fred! T'as-tu dit Antoine? Lézina? Non. Oui. Je pense que j'ai dit Vézina. Okay. Lézina. Lézina. Et Jean-Philippe Durand. Salut, Fred. Salut, Antoine. Et... Salut. Mathieu Bouillon. Bonsoir à tous. Salut. Bonsoir. Salut. Par où commencer, messieurs? Par où commencer? C'est quoi, pas de problème, Mathieu? Écoute, c'est la balado-diffusion la plus controversée au pays. Depuis notre balado d'il y a deux semaines sur les sacres, les coups de téléphone n'arrêtent pas. Sophie Chiasson nous a envoyé une poursuite parce qu'on l'a traité, semble-t-il, de plot à Sophie. Mm-hmm. Moi, ce que je n'ai pas entendu. Mais toujours est-il, on répond à des problèmes. Et on se fait beaucoup rire entre nous. Oui. Voilà. Okay. Mais Chiasson, tu sais. C'est... Oui. Alors, ouais. Ben, si vous en avez des problèmes, vous pouvez toujours nous les proposer sur Facebook. Mm-hmm. Et vous en... Hey, j'en ai pas parlé, mais pas de problème, @gmail.com, ça existe, hein? Mm. Donc, oui. Pour les pas Facebookeux, c'est possible. Sinon, sur Twitter aussi. Il dit rien. Oui, mais, c'est excellent, on peut pouvoir communiquer. Mais oui, on peut communiquer. Ouais. Mm-hmm. D'ailleurs, on a quelqu'un qui nous a communiqué un problème, un de nos grands fans quand même. Oui, Vincent, c'est donc. On en a quelques-uns, des grands fans, comme Pascal Gauthier, qui est Suacoche. Sacoche. Ouais. Alors, non, mais Vincent, oui. Vincent, qui, oui, que tu as vu à Rimouski. Je suis à Rimouski. Salut, Vincent, bonjour. Salut. Salut, Vincent. Donc, grand fan, et il nous propose le problème suivant. Jean-Philippe. Oui. Voix douce. Bonjour à tous. Je vous écris près du fleuve. C'est à côté des parents de Mathieu que j'ai eu l'inspiration pour ce problème. Oh. Non. J'ai deux problèmes à vous soumettre, un plutôt sérieux et un qui l'est un peu moins. Je vais commencer par celui qui est plus ou moins sérieux et je vous enverrai l'autre une autre fois. Ah bon? Parce qu'il veut deux chances pour gagner un T-shirt qu'il fait pas, mais il y en a déjà un. Oui, il y en a un qui fait, c'est le mien. Et le problème est comment avoir toujours raison. Je déteste lorsque je dis quelque chose, voire même que je m'obstine avec quelqu'un et que je suis convaincu d'avoir raison, mais que ce n'est pas le cas et après, l'autre personne n'arrête pas de me le rappeler et se moque presque de moi et ça m'arrive très souvent. C'est un classique, ça. Ça, c'est des amis. Classique. Ouais. Yes. Merci d'avance. Vincent Cédon, près du fleuve. C'est la foi. Cédon beau à côté du fleuve. Ça sent le varec. Ou tu t'enfarges dans balado-diffusion, puis là, tous tes amis niaises. Ou quand tu dis « joyeuse fenêtre », oui! Ça, c'est Mathieu, des amis. Mathieu Bourrand. Mathieu Bourrand. La raison. Du latin, ratio. Arque. Ratio, mesure, calcul. On utilise encore le mot ratio, d'ailleurs, en mathématiques, pour exprimer un rapport entre les choses. Oui, donc, quelqu'un qui a la raison, le ratio, c'est quelqu'un qui est capable de bien mesurer et d'établir... un rapport précis entre les choses. Comme une porte ratio, mettons. T'as pas raison! C'est Vincent, si tu suis ces quelques préceptes de base du raisonnement, tout devrait bien aller. D'abord, l'identité. Une chose est ce qu'elle est. Non, ça peut paraître absurde, mais elle n'est pas autre chose. Hein? A égale A. Bon. Le tiers exclu. Une chose ne peut pas être quelque chose et son contraire en même temps. Ça dépend pour qui. Oui. Paradoxal, Joe Boca. Oui. Des fois féline, des fois femme fatale. Des fois. Donc pas en même temps. Pas en même temps. Donc ça change. Mais c'est la même femme. Oui. Je pensais que tu disais que le succès de Joe Boca était paradoxal. Je comprenais pas. C'est vrai, c'est vrai. La non-contradiction. Es-tu encore avec Charles Biddle? Ah oui, peut-être. Je sais pas, sa sœur a chanté. Et bien sûr, la causalité, comme quoi tout est fait à une cause. Évidemment, on pourrait en parler longtemps de la raison. Moi, je voudrais faire essentiellement Aristote. Je pense qu'il a lancé les grandes bases de la logique aristotélicienne, comme on l'appelle, bien sûr, et sinon de la raison. Ouais. Vraiment intéressant. Et juste de s'inspirer de ça, déjà, je pense qu'on peut attaquer ces débats avec confiance. Oui, il y a son bureau sur Saint-Joseph. Aristote, exact. Ouais. Avec ça, mais c'est beaucoup Platon aussi, hein, qui a écrit ça. Oui, Platon qui a inspiré ça. Mais Platon, lui, c'était les dialogues. Mais c'est intéressant de voir comment ils fonctionnaient. Oui. Non, non, mais pour vrai. Parce que c'est vraiment dans la parole, oui. Platon. Aristote, c'est plus sous une dans forme qu'on on la reconnaît aujourd'hui. Ouais. Mais sinon, on parle des dialogues de Platon. Mais aucun nous a survécu vraiment. On a reconstruit ça. Mais où vraiment, ils discutent avec quelqu'un, mais t'entends, puis t'es obligé de la liberté, c'est quoi? Mais là, j'entends, tu peux-tu pas entendre? Mais non, parce que je fais du bruit, mais des affaires de main. Puis ils arrivent à coincer le monde avec différents préceptes. Sinon, t'as les sophistes, qui est une grande école de la philosophie, qui peut t'apprendre à toujours avoir raison, sans vraiment avoir raison. Ouais. Les sceptiques aussi, ça peut être une belle école à étudier. Sinon, ben, je voudrais faire l'histoire de la philosophie de Breyer, qui est peut-être une belle somme, qui fait le tour de tout ça. Ah. C'est un bon 3000 pages, là. Oh là. Le fun à lire. Ben, peut-être utiliser les trois notions de base, les trois notions de base de la rhétorique. Qui prouver la vérité de ce qu'on affirme. Il y a le logos, le pathos et l'éthos. Oh, le pathos qui est... le logos qui est la logique, tu sais, on se base pour avoir raison sur la logique. Le pathos, c'est quoi déjà? Antoine, je regarde dans ta direction. Non, mais le pathos, c'est plus l'émotion. Ouais. Puis l'éthos, c'est ce que tu dégages, toi. OK. Donc, ta crédibilité. Du moins, c'est ce que j'en comprends. Ouais. Le pathos, c'est, mettons, une madame de 70 ans qui met une jupe très, très courte. Ouais. C'est ça, je pense. Ouais. Ou c'est le T-shirt d'un de nos co-animateurs présents ici, là, que je trouve vraiment pathos. Ouais. Le but d'Alain Côté était bon, viargette. Oui, c'est drôle, voyez-vous. C'est peut-être une question de comportement, mais... Je sens que j'ai tellement pas ça, le fait de m'obstiner quand je suis pas certain de ce que j'avance. Ouais. Mais c'est aussi sentir le doute. Quand tu doutes, de ne pas avoir raison. Ah oui, parce qu'il y en a. C'est dans leur comportement, Vincent, c'est peut-être un peu comme ça. Mais moi, j'ai déjà vu des gens s'engueuler sur le souvenir de quelqu'un d'autre. Ouais. Tu sais, ben là, c'est pas toi qui l'as vécu, là, quand même, qu'on s'en parle. Ouais, c'est l'autre qui le raconte, son souvenir. Là. C'est pas. T'étais même pas là. Ouais, mais c'est que ça m'a. Castine, des fois, là. C'est fou, mm-hmm. Donc, se concentrer sur le pathos et l'éthos, puisque la logique est même pas... Même pas applicable. Puis, comment tu veux regarder ailleurs, tu sais, si sa jupe est tellement courte? Ben, il y a... peut-être faire comme Sarah Palin, qui, justement, dans sa tournée en autobus à travers les États-Unis, a commencé à citer... parler de Paul Revere réveillé l'univers. Oui, oui, the British are coming, puis tout ça. Mais elle a comme dit des choses qui n'étaient pas vraiment dans l'histoire, tu sais. Elle en invente des grands bouts. Puis après, il y a quelqu'un qui a dit, « Hey, ce que t'as dit, c'était pas vrai. »« Ah, non. » Puis, tu sais, elle dit pas que c'était pas vrai. Elle fait juste dire, « Non, moi, je le vois autrement. » Puis il n'y a jamais avoir tort. Il y a des gens qui sont comme ça. Ouais, ben, c'est une façon de toujours avoir raison. Oui, ouais. C'est ça. Mm-hmm. L'art d'avoir raison, aux éditions Mille et Nuits de M. Schopenhauer. Ah. Il nous conseille 38 stratagèmes. On ne fera pas le tour ensemble, je vous en nomme quelques-uns. Cacher son jeu, les faux arguments, fâcher l'adversaire, clamer victoire malgré la défaite, interrompre et détourner le débat, trouver une exception. Classique. En théorie, oui. En pratique, non. Et finalement, son 38e stratagème... non, mais il est bien... Soyez personnel, insultant et malpoli. Wow. Ultimement, parce que là, on quitte le domaine de la logique et du bon sens. C'est au plus fort la poche, comme la dirait mon grand-père. Ouais. Ben c'est ça. C'est un combat, puis ça, regarde. Puis en plus, il y a un public, t'en profites, tu vires ses arguments à l'envers un peu. Ça n'a pas de sens. Qu'est-ce que qu'il dit là? Les gens, t'es trop sympathique et drôle et vite. Mm-hmm. Dans le fond, tu dis absolument rien. Mm. Tu perds, tu gagnes. En effet. Hein. Et si tu décides que t'as toujours raison, je pense, c'est l'essentiel de la machine. C'est ça. Le pathos, c'est séduire. Donc, c'est ça, justement. Tu fais comme... Moi, je vais croire tout ce qu'il dit. Ah, oui. Ce Vincent-là. Ce Vincent-là. Ouais. Mais maintenant, c'est beaucoup plus court, ces arguments-là, ces argumentations-là. Si moi, je m'obstine avec quelqu'un, ça prend 2 secondes. Et je te le dis, ce film-là, c'est 84. C'est que tu sors le téléphone, iPhone, bing, c'est fini. iPhone, Wikipédia. Ouais, mais là, ça, c'est au niveau de l'information. Ouais. Tu parlais du souvenir, ça, c'est factuel. Le 3/4 du temps, l'obstination, c'est sûr de l'information. Là, j'ai l'impression. Là, c'est sûr. Ben non, mais ça va être. Peut-être. Mais c'était pas. Est-ce qu'on peut vérifier si c'était pas la raison d'être du livre des records Guinness à la base? Ah oui? Qui était de... C'était un peu l'ostinage, ah oui? Ouais, ben, je sais pas où j'ai entendu ça, mais c'était comme... Les gens s'ostinaient d'un bar, puis là, ils ont fait, on va faire un livre, puis... Mais ouais. Le plus grand gars au monde, c'est pas ton frère, c'est le gars là-bas. Mais ça, mais Vincent, ici, dans ce cas-là, je pense qu'il parle vraiment d'obstination sur des informations, parce que ça se prouve si c'est vrai ou non. C'est pas comme si c'était de l'argumentation que... Au bout du compte, tu sais, après un long processus, tu peux dire j'ai changé d'idée, mais là, tu sais, je suis convaincu d'avoir raison. Tu sais, dans une argumentation, c'est difficile qu'il y en ait un qui ait raison ou pas. C'est juste des opinions différentes. Oui, mais souvent, on s'ostine parce qu'on a des opinions différentes. Tu vois, là, je suis pas d'accord avec toi. Ouais, c'est ça. Ben, moi, je trouve que les débats factuels, comme tu dis, ça dure pas longtemps. Là. Parce qu'il y a une vérité, maintenant. Ben oui, il reste du lait. Mais non, il reste pas de lait. Mais ça durait longtemps à l'époque. Mais ou c'était compliqué de chercher, mais c'était compliqué de chercher puis trouver l'information, tu sais. Ouais. Mais moi, les ostinages que j'ai généralement, c'est sur des principes ou des idées ou de faire, ben. Je sais pas. École privée ou prison juvénile. Par exemple. Public. Non, mais on parlait des impôts dans la rue. Qu'est-ce qu'on fait? Ça vaut-tu la peine? Ça vaut pas la peine? Pourquoi? Ah ouais, moi c'est plus une niaiserie de CL qui jouait dans telle affaire, je te jure que non. Oui, c'est elle. Elle dit que non. Là, mais il veut toujours avoir raison. Donc, peu importe la situation, il veut avoir raison. Mm-hmm. Ben, évidemment, il y a de ne pas se compromettre. Oui. C'est une façon de le faire. Donc, pas citer, pas de problème. Mm. Oui, ce serait une erreur. Et laisser les autres parler. Tu manges des chips, Mathieu? Oui, on t'entend. Pour vrai? C'est clair, mais... Mange-en dans une, là, pour de vrai. Non, une neuve, là. C'est pas un gruau de chips. Voyons. Ah ben oui, mange des chips. Voilà. Et il y a ce précepte-là qui dit que détruire, c'est plus facile que de construire. C'est plus facile de laisser les autres s'avancer. Puis là, tu vas trouver l'exception, tu vas virer ça. Oui, mais dans telle situation, pourquoi? C'est comme faire une impro avec quelqu'un qui te punch en face. Mais peut-être, mais trouver des situations où tes interlocuteurs sont sous l'influence. C'est-à-dire dans un bar à 2h du matin, en rémission à l'hôpital, les drogués, hein? Oui. Ou peut-être se tenir avec des enfants. Hein? Qui ont moins d'opinions tranchées. Oui, mais à quelque part, l'enfant, arrive avec sa petite vérité, puis il te vire à l'envers. Non, mais des enfants là, qui... Ouais, niaiseux parle un peu. Pas, là. En état d'ébriété. Mm-hmm. Mais il y a moins de se préparer, évidemment. Ouais. Soit tu sais qu'il y a un sujet qui va arriver. Oui. Hein, tu dis, lui, il est bien politisé, puis il va me repartir son discours, sa souveraineté, puis attends une minute. Là, je me prépare. Ou de plugger des sujets, ça, idéalement, si tu as des sujets tout prêts. Il y a des beaux petits cours sur Internet, de rhétorique, de Harvard, tout ça. Débat oratoire, des choses comme ça. Là, Ben non, mais tu sais, des débats, là, ils font des cours d'éthique, par exemple. Intéressant. Sur, quand t'arrives, qui on doit sauver dans des situations d'urgence, le plus malade, le moins malade, c'est quoi, pourquoi. Puis évidemment, ça engendre des discussions qui n'ont pas vraiment de réponse. Mais si tu as des arguments après, ça peut être le fun. Ça peut impressionner la galerie. Les gens vont avoir l'impression que c'est toi qui avais raison. Ouais. Tu parlais du pathos, tu sais. Nixon et Kennedy, leur débat, c'était le premier débat télévisé, présidentiel. Ouais. Les gens qui ont écouté à la télé avaient l'impression que c'était Kennedy qui avait gagné le débat. Les gens qui ont écouté à la radio avaient l'impression que c'était Nixon. Incroyable, Ouais, donc, il n'y a pas juste les arguments, c'est aussi... Comment tu te présentes? Qu'est-ce que tu vas l'éthos, dire? L'éthos, en fait, l'éthos, c'est les dimensions de l'orateur. Là. C'est par ce qui est, ce qui montre, l'image, tout ça. Donc, très intéressant. Ouais. Alors ça, Vincent, déjà, là, d'avoir de la gueule, mais peut-être du vocabulaire, peu importe la conversation, les gens vont avoir l'impression que tu as plus souvent raison. Ouais. Dans des concours de débat oratoire, tout ça, juste pour se pratiquer, parce qu'on dit pour ou contre l'avortement, peu importe si tu es pour ou contre, tu dois débattre pour une position particulière. Ou l'impro, juste l'impro, des fois. Oui, quand même, te donne. Mais quoi faire par après, messieurs? Mettons, moi, j'arrive dans une conversation, j'ai eu complètement tort. Je m'en rends compte, j'arrive la prochaine fois. Parce que c'est le cas de Vincent ici. Oui, puis là, il se fait niaiser. C'est ça. Ouais. Quoi faire avec ça? Relier ça à quelque chose de triste dans ta famille, genre... On va dire, excuse-moi, je filais pas, il y avait telle affaire. Je veux dire, ma tante est décédée. Tu sais, je pense qu'il pourrait peut-être adoucir. moi, ce qui me mettons, c'est que si j'ai envie de le remettre sous le nez à quelqu'un, mais c'est qu'il a été tellement sûr de lui, tu sais, que... Mais s'il proposait sa proposition de façon plus douce, au lieu de dire, ben non, c'est pas ça, tu sais, comme... Mm. Ah, ben moi, je pense que peut-être. Je pense que les gens vont être moins portés à rire de lui. Mais faire preuve d'autodérision. Ouais, ça, c'est ça. C'est bien aussi, fait ouais, aussi. Ouais, puis le monde fait, hey, ouais, non, je te donne un chant, t'as raison. Gager beaucoup d'argent. Mm. Faire bluffer, là, faire. Tu sais, pas dire $1 million. Non, quelque chose que t'es capable, mais que l'autre va faire comme. Il doit avoir raison. Ce gars, je gage 150$. Ouais. Mais ben, je sais pas. Je sais pas, c'est quoi le chiffre, tu sais. Magique, le... là, ouais. Ouais, qui fait comme 1000$. C'est exagéré, non, Ignace. Ouais. Tu sais, je sais pas. Être plus grand. Oui. On a plus confiance dans les gens plus grands. Mm-hmm. Donc, une petite semaine, qu'on peut juste te donner, ou dans la conversation, s'il y a un étage de plus ou quelque chose, discrètement, te diriger là, puis déjà, les gens ont l'impression que tu as plus raison. T'as plus raison. Traîner avec soi un juge de paix. Quelqu'un qui a toujours belle idée, ça. Qui peut dire, non, fais pas ça. Arrête, dis pas ça. Dans la lignée des traînées du monde là, avec toi, moi, je vais un quartet barbershop qui chante à l'autre, t'as pas raison. T'sais, t'as à défaut d'avoir tort. T'as pas raison. On va juste faire ce qu'on faisait au primaire. Quand quelqu'un rager les autres. Oui, oui, oui. Il y a des choses aussi qui coupent à court les discussions. T'sais, mettons, la religion, ça peut avoir le dos large. Ah, t'sais, tu m'invoques des arguments scientifiques, mettons, ah, mais moi, ma religion, on ne croit pas à ça. Ouais, mais ça touche un peu au relativisme aussi, là, qui est une grande philosophie où... ultimement, tout est relatif. Et là, ça tombe tout le temps dans un rapport. C'est dur de sortir de ce cercle-là. Mm. Mm-hmm. T'engages un UV pour diversion. Ouais, oui, pas autre chose. Plein de diversions possibles, mais un UV, je pense que... ça, hey, check le gars! Puis ça peut être, ça peut être écrit les paroles de la chanson « T'as pas raison » sur son pénis aussi. T'as un UV avec un gros pénis. ouais, OK. Oui. Oui, Jedi Mind Trick. Oh! Yes! C'est... Hey, t'as pas raison. J'ai raison. Et voilà. Ben oui, t'as raison. Hein? Oui, t'as raison. Passe-moi ton basic. Je te passe mon basic. Non, c'est contraire. Non, c'est ça. Passe-moi ton basic. Hey, je te passe mon basic. Ouais. Mais avoir raison, c'est aussi dire, hey, je le sais pas, à quelque part, t'as raison. C'est quelqu'un de... Au lieu de t'empêtrer dans quelque chose, là, tu me demandes, sincèrement, je n'ai aucune idée. Tu sais, c'est comme une... Tu sais, avoir raison. Ouais. La vérité, ou dire ce que tu ressens vraiment, c'est une forme de raison, je trouve. Ouais. Si c'est satisfaisant aussi, c'est dans une conversation comme ça, à la fin, faire... T'es persuadé que t'as raison et tu sais que t'as raison, faire... Non, non, mais t'as peut-être raison, là, tu vérifies. C'est ça, tu la personne va vérifier, tu sais, c'est elle qui a honte. T'en parles plus jamais, puis tu fais quel imbécile. Ouais. Une belle phrase de douchebag que moi j'apprécie aussi, c'est... Non, non, mais dans le fond, tout le monde dit la même affaire, là. Tu sais, ce qu'on dit souvent. Ouais, m'a dit comme on dit. C'est ça qui est ça. Ouais, je comprends ce que tu dis. Mais, ouais, c'est peut-être... Je peux pas être d'accord. Justement, jamais affirmer. Être la personne qui affirme jamais, faire... Ouais, mais moi, je pense que c'est de moi, mais je... c'est juste moi. J'en parle souvent, du diable. T'as juste cette voix-là. Ouais, t'as des amorces beaucoup. C'est la grosse différence entre, mettons, c'est bon et j'aime ça. Ouais. Aussi, tu sais... Dire c'est bon, c'est supporter un jugement de valeur en disant t'as la vérité ultime, mais j'aime ça. Non, bon argument. C'est pas pire. Ça veut pas dire que t'as raison. Mais non, c'est ça. Ou des suiveux, il y en a plein, là. Tu sens que des gens qui expriment pas nécessairement leur idée, qui suivent le groupe. Descartes, dans sa méthode, décrit comment il fonctionnait pendant qu'il remettait tout en question. Name dropping. Oui, mais c'est tous, ou la plupart. Puis en tout cas, non, mais c'est vraiment intéressant. La nanodologie. Peu importe. Ah, ouais. Informez-vous. Ce qu'il a fait, Descartes, d'important, il a remis plein de choses en question. On lui enseignait des choses, puis il posait des questions à ses enseignants. Ça vient d'où, cette connaissance-là? Pourquoi vous me dites ça? Embêté. Ils le répètent depuis, puis ils savent pas trop. Alors, il a décidé de tout mettre à terre, tabula rasa, permettez mon latin, pour vérifier toutes ces choses-là. Mais il a dit, mais en attendant, il va bien falloir que je fonctionne, il va falloir que je participe à la vie de société. Alors, il s'est pris une méthode. Il a fait, bon, ben maintenant, si la plupart disent ça, ben je vais être d'accord, puis tout ça, pour pouvoir fonctionner. En attendant, j'ai fait le tour, pour en revenir. Wow, quand même. Ouais, hein, tu vois. Yeah. Mais il y en a plein, là, tu sais, qui suivent, qui ont jamais tort, qui n'ont jamais raison non plus. Non, oui. Souvent, évidemment, la plupart, t'as des chances. Sur Twitter, on a Grosse Famille qui a écrit En ayant jamais tort, évidemment, ou En étant une femme. Oh! Parce que les femmes ont toujours raison. Oh! Ouais, Le classique gros bras menace. Là, si tu te promènes avec un gars menaçant, ben, le monde va dire oui, c'est beau. On a Pierre-Luc qui écrit des lunettes, corrompre des experts pour qu'ils nous donnent toujours raison. Moi, c'est bon. Il y en a qui font ça. Non, quand même, il y a... Écoute, tu peux faire dire, écoute, un bon sondage, là, tu peux trafiquer ça en masse. Non, mais j'ai entendu parler dernièrement... Tu parlais des chiffres, Il y avait eu des recherches de fait sur la drogue aux États-Unis. Quelle drogue, déjà? Je pense que c'était la drogue de rave, là. C'est quoi, déjà? L'ecstasy. L'ecstasy. Et qui en avait donné à 10 singes. Puis les 10 singes avaient pété une coche. Il y en a deux c'était de morts, tout ça. Et finalement... c'était pas la bonne drogue qu'il avait donnée, c'était libellé autrement. En tout cas, il y a vraiment eu une crosse pour donner. Que l'ecstasy était fou. Puis tout ça, ça a fait place à une nouvelle loi aux États-Unis contre. En fait, c'est la loi Rave, je crois, qui ont. OK. Mais c'est comme le lobby du sucre, là, le documentaire là-dessus, avec le frère de Bush. Ouais. Je sais pas. Écoute, il a tout fait ça, corrompu des médecins et tout, pour dire que le sucre était pas si mauvais que ça pour la santé. Telle affaire. Puis finalement, ils se sont rendus compte que c'était juste une opération de relations publiques pour cette entreprise-là, tu sais, qui vaut des milliards de dollars. Mais ultimement, est-ce que tu t'en sors vraiment? Je veux dire, la cigarette, on n'a pas trop fait longtemps, là. Ils ont essayé pendant longtemps. Ils ont fait taire les recherches, puis tout ça. Oui, des médecins. Écoute, c'est des gros lobbies. Hein. Ils ont de l'argent. Donc, avoir un lobby. Faut rester sceptique. Ouais, faites bien l'attention. Le complot, Big Brother. Donne un cadeau, Vincent. Tu cries à sa tête. Tu mets le feu. Crois pas. T'as sacré, Jean-Philippe. J'ai dit crif. Tu le criffes à terre. T'as clairement dit crif. Mais l'humour, Vincent. L'humour, ça marche tout le temps. Ça amorce. Puis tu vas t'écouter. Moi, j'ai rarement raison, mais monde s'en aperçoit pas. L'autodérision, clairement, c'est la clé. Hein. J'ai peut-être raison, j'ai peut-être tort, mais de toute façon, je suis un gros calme. Ouais. Hey, lui, il est correct. Il est drôle, correct. Hein? Il a raison de dire ça. Lui, il est correct. Ouais. Il est drôle. Tout ça dit sur une petite boîte de pommes. Oui, pour être plus grand. Plus haut, avec ton garde du corps en arrière qui est menaçant. Avec un gun. Donc, quelle est votre solution préférée? Un gun. OK. Ben, c'est ça. Tu kidnappes un membre de sa famille. Puis tu dis, regarde, à partir de maintenant, j'ai toujours raison. Ouais. Si tu veux les revoir vivants. Ça, c'est très bon. Vincent, c'est le fun des fois s'obstiner, mais t'embarquer là-dedans seulement quand tu es complètement persuadé de tes informations. Pense-y deux fois, roule-toi ça, dis-toi qui ça, je suis sûr. Vas-y, attaque. Au pire, va aux toilettes, vérifie l'information, puis reviens. Oui, clairement. Mais il y a des débats oratoires... tradition plus américaine dans les universités. Ça existe aussi au Québec. Là. J'ai vu ça dans des cégeps ou tout ça, où des gens prennent un sujet. Les jeux de la com, puis débattent. Alors peut-être aller voir ça, s'inspirer de ça, s'inscrire à ça. Mm-hmm. Parce qu'il y a définitivement des mécaniques là-dedans que tu peux peut-être que... prendre. Je parlais du pathos et l'éthos, puis tout ça, c'est-à-dire l'image qu'on peut projeter. Peut-être travailler sur l'image de l'autre. Oh. Trouver ses failles, tu sais, faire aller. Loin. Je m'en fous du débat, détruis la personne. Je pense que c'est une des façons... Personnel, insultant et mal poli. 37, hein? Bing! Voyons, dans mes caves. Ouais. Bing! Qu'est-ce que t'en sais, toi, ça? Ton père t'a abandonné quand t'avais 4 ans? Oh! Personnel! OK, t'as raison. C'est beau. Je t'en parlais. T'as c'est correct. Sinon, ta boîte de pommes. Sinon, un séjour dans tout bon cégep, dans les assos de gauche, peuvent te donner des cours sur les sophismes et les pathos. Ah! Un petit journal ou c'est un blog? Petit erratum. Mini erratum. Dans la carte de fête que tu donnes à la personne, il y a un petit erratum. En passant le 26 mars, j'ai dit une estime niaiserie. Mais vraiment tout petit, tu sais. Vraiment comme les journaux qui font comme. On s'est trompé. Jamais dit. Une erreur s'est glissée dans mon langage. Pete et Lola n'étaient pas joués par le même comédien. Ouais. Oh ouais, j'aime ça, les ratums, moi. Ouais, les ratums. Les ratums laveurs! Sonore. Hey, merci, Foul. Sonore. Hey, écrivez-nous vos solutions. Oui. Vos solutions préférées, vos problèmes. des idées, ouais. de n'importe quoi. Mm-hmm. Go! Hey, non, mais, et si vous Facebook. Avez... Moi, j'aimerais ça, là. Je lance. Oh, vas-y. Mm. Si vous avez... Pas un poème, mais... Un poème? Non, let's go! Vos poèmes! Un commentaire. Non, mais quelque chose de le fun. Là, charnu, que, là. Tu sais, qu'on aura envie de lire. Oui, oui, oui. Pendant le podcast. Oui, oui. Tu sais, quelque chose... Ça peut aller sur iTunes, ça. Pas de problème. Oh. @gmail.com. Ça, j'aime ça. Ouais. Par courriel... envoyez-nous ça. Idée. On prend vos courriels, puis j'aimerais ça commencer à lire un petit courriel de temps en temps. Des poèmes, ouais. Hey, je pense qu'on va t'écrire. Ouais. Antoine, il pourrait y avoir dans votre poème une strophe sur chacun des panélistes. Ah, oui. Oh, ça, une strophe. Ça, sur Joanne. Oui, aussi. Sébastien. Oui, Sébastien. Oui. Et votez pour nous aussi, podcast numéro 1 francophone. Ouais. Ça monte. Là. Votez oh, oui. pour nous. On n'a pas de barème, mais il n'y a pas de limite. Pas de barème, pas de limite. Tout ça est contre Christiane Charette. On s'en souvient. C'est fini. C'est fini, ça. Non, c'est mais fini, moi, le spectre est encore là. Les le gens spectre savent des bobards. Hey, là, on aurait pu remplir tout ce temps-là de sacre. On l'a pas fait. On ouf, on s'en est bien sorti. OK. Jingle. Et alors, pour le mot de la fin. Vous avez un problème, nous avons un podcast. T'as pas raison. Ben voyons donc. Ben voyons donc.